Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h pour débriefer l'actualité des Girondins. J'arriverai jamais à le placer, débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité des Girondins de Bordeaux, c'est la belle victoire, belle ou moins belle, on en parlera tout à l'heure, face au Sporting Club de Bastia. 2-0, victoire très importante dans la course à l'Europe, puisque oui, messieurs, à l'heure où nous parlons, et jusqu'à que Lyon joue ou rejoue son match face à Bastia, Bordeaux est quatrième. On va évidemment y revenir dans la première heure de l'émission. Mais avant cela, on commencera par un invité exceptionnel d'ici quelques minutes, quelques instants. Cyril va pas tarder à aller le contacter. C'est notre un de nos futurs adversaires de dimanche prochain à 17h. Pierre Lesmelou, ancien jeune bordelais, puisqu'il a quitté le club à l'âge de 16 ans. On va l'avoir dans quelques instants au téléphone en direct pour évoquer avec lui son passage à Bordeaux, sa saison avec Dijon et évidemment le match de dimanche prochain. On enchaînera avec le débrief du match contre Bastia. En deuxième heure, on reparlera du changement tactique de Gourvennec lors du match contre Bastia et donc du coup de poker gagnant. On parlera également des rumeurs de plus en plus insistantes sur le départ de Cédric Carasso en fin de saison et de la venue gratuitement de Benoît Costil. Et on terminera évidemment par le Sekiki traditionnel si on a le temps. Avec nous ce soir autour de la table, il y a Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Comment ça va mon grand ? Ça va, tranquille. Tu es prêt ? Tu es chaud ? Je suis prêt. Tu es torride. Avec nous également ce soir, il est où ? Il est là, il a son petit jingle, hop là. Alexis. Très bien, merci. Tu es prêt, tu es chaud, tu es torride. Écoutez, ça va. Ah bah ça va. Avec nous également, ah celui-là aussi je l'aime bien. Ça va Adrien ? Ça va, tu es prêt, tu es chaud ? Oui. Ouais, ouais, ouais, ça va, t'as l'air bien. Allez messieurs, avant d'accueillir Pierre Lesmelou, on va commencer l'émission par la traditionnelle question. La question que personne ne se pose. La question que personne ne se pose du soir, elle concerne Christophe Dugarry, puisque Marc tout à l'heure a appelé Duga. Dans son émission, il lui a demandé, voilà, donc on parlait des emplois fictifs, puisqu'il avait parlé d'emplois fictifs pour Ulrich Ramé à Bordeaux. Donc, selon Dugarry, lors de ses premiers mois, qu'a fait Ulrich Ramé pendant tout ce temps-là ? Est-ce qu'il a écumé les discothèques avec Lasland, Viltor, Trèche et Diawara ? Est-ce qu'il a comploté contre Carasso pour qu'il parte ? Et lui-même aussi ? Est-ce qu'il s'est mis au golf avec Plasil, Planus, Chalmé et compagnie ? Ou est-ce qu'il a bossé et n'a jamais été un emploi fictif du Gary confond avec lui-même ? Je ne comprends absolument pas cette phrase, mais elle est disponible. Vous pouvez aller voter jusqu'à 23h. On donnera les résultats en fin d'émission, juste après... Le c'est qui oui. Adrien meuble 2 minutes. Eh ben vous savez, il comprenait pas cette phrase, mais ça veut dire qu'en fait l'emploi fictif c'est Dugarry qui l'a. Parce que pour commenter en étant expert du football anglais et tout ça, alors que bon, ça n'a pas été un joueur exceptionnel. Allez, merci beaucoup Adrien. Allez, il est temps d'accueillir avec nous notre invité de la soirée, c'est Pierre Lesmelou, le joueur de Dijon. Bonsoir Pierre. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté l'invitation de Girondin Analyse ce soir. T'as pris un peu de ton temps, c'est gentil à toi, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. On va évoquer avec toi le match évidemment qui va opposer donc Dijon à Bordeaux, ça sera dimanche prochain à 17h. On va revenir aussi également sur ton passage au Girondin. Quand tu étais plus jeune, et puis aussi sur la saison de ton équipe de Dijon qui se bat actuellement pour le maintien. Un petit rappel quand même rapidement pour les auditeurs qui, il y en a peut-être, qui ne te connaîtraient pas. Tu as 23 ans, tu es né à Langon, tu as été formé à Bordeaux de 2003 à 2009, si je dis pas de bêtises. Et alors, tu n'as pas été conservé, alors paraît-il, parce que c'est pour ta taille. C'est vrai ça ? Qu'on t'a pas gardé à Bordeaux, on t'a dit t'es trop petit. Bah, c'était un facteur, après certainement que je devais pas être assez bon aussi. Mais c'est sûr que à 16 ans je faisais 1m60. J'étais fin comme aujourd'hui d'ailleurs, donc c'était une des raisons qu'on m'avait donné, oui. Ensuite t'as rebondi dans des clubs de la région, à Langon, à Mérignac, à Lège, c'est ça ? Et tu as été explosé. Voilà. Ouais. T'as explosé à Lège un peu, on va dire. C'est là que Dijon t'a repéré en 2015. Tu es monté l'an dernier donc de Ligue 2 en Ligue 1 et tu es la révélation avec ton collègue Johnny et Abeid. Et Abeid aussi de Dijon cette année. 28 matchs, 7 buts et 4 passes décisives, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, je crois bien que c'est ça. C'est un plutôt bon bilan quand même. Et j'ai envie de dire, je crois que tu as marqué quoi, 3 ou 4 buts de la tête? 4 buts, ouais, j'ai mis mon 4ème là. Ce ah ouais, d'ailleurs, félicitations, c'est un bon coup de boule. Ouais. un bon coup de casque. Merci. Mais c'est, pour l'anecdote, j'en ai jamais marqué avant cette année de la tête. Donc, et là, je suis à 4, donc c'est un peu bizarre. Bah, profite, hein. C'est le déclic. On va pas cracher dessus. Ouais, surtout que la dernière fois qu'on a entendu ce genre d'histoire, c'était Gourcuff à Bordeaux. Il avait jamais mis un but à la tête et puis il est arrivé. Et puis, bon, on lui souhaite le même dessin. La... Enfin, le même dessin avant Lyon. Voilà. Ouais. Écoutez-moi ça pour dimanche. Hein. Alors, ouais, alors ça, on va en reparler après. Bon, peut-être pas. Si, à la limite, ouais, tu marques. Et puis un petit 1-2, tu vois, tranquille, ça passe. Moi, j'ai une petite question pour toi. C'est comment on passe en fait de Lège Cap Ferré où tu es tu es au-dessus du niveau CFA et tu exposes tout, tu vas en Ligue 2. Et comment ce palier on le franchit? Comment t'as vécu ce passage au monde professionnel? Non, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que Lège Cap Ferré c'est quand même un niveau amateur et on était loin du monde professionnel avec le plus petit budget de CFA2, donc on s'entraînait deux des fois trois fois par semaine, où on arrive dans un milieu professionnel où on s'entraîne tous les jours et même deux fois par jour, donc c'est sûr que c'est vraiment différent et c'est sur ça d'ailleurs que j'ai le plus galéré, c'est sur le plan physique, parce qu'il faut tenir. Et puis d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ma première saison pro, j'ai eu du mal à encaisser ma prépa et au deuxième match je me suis blessé, fracture de fatigue, on m'a dit je me suis cassé le cinquième métatarse. Donc je pense que le plus dur, c'est l'adaptation au niveau du rythme. Et puis tu peux nous le dire maintenant, Pierre. Franchement, le niveau physique aussi, puis moralement, parce que passer de Lège à Dijon, quand même, niveau... t'as quand même perdu un peu, parce que la mer, elle est loin, là, quand même. Ah, là, c'est sûr que oui. Au niveau du contexte, j'ai un peu perdu, oui. Ça, c'est vrai, mais bon... Je pense que personne refuserait la proposition qui m'a été faite, quoi. Donc signer pro, ça aurait été quand même un rêve oublié, donc on fonce. Hein. Tu pensais plus du tout? C'était quelque chose que tu avais... J'ai jamais pensé, bon. J'ai vraiment, même au Girona, pour moi, je savais que la porte, le fossé, il était trop grand pour signer pro, quoi. Moi, je prenais du plaisir à jouer, mais je me disais, comme chaque année, c'était les dernières, quoi. Donc j'y ai jamais vraiment pensé. Un petit mot sur les matchs où malheureusement vous avez quand même marqué beaucoup de chance face à Bordeaux, parce qu'au match aller vous gagnez 2-1 et puis Camano retourne le match. En Coupe de France c'est un petit peu pareil, la borde tue le match dans les arrêts de jeu, je crois. Oui. Comment t'as vécu toi ces affrontements face aux Girondins, parce que bon, t'es quand même un enfant de la région, donc je pense que ça va faire quelque chose, notamment la famille, tout ça qui devait être présent. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait bizarre, surtout pour le match de championnat où plus c'est la première fois que je joue à Bordeaux, dans ce magnifique stade d'ailleurs. Ma famille était venue à 15, ils m'avaient demandé 15 places. Donc tout le monde était là, les amis, il y avait tout le monde qui était là, donc forcément la fin de match on la connaît, un peu frustrante, mais bon, c'était quand même un réel plaisir de revenir à Bordeaux et surtout dans ce stade qui est magnifique. Donc frustrant, hein, mais... Bon, sur le championnat, on méritait mieux. Après la coupe, bon, certes, la Borde nous met un but à la fin, mais bon, on ne méritait pas mieux, je pense, au niveau de la coupe. Et au niveau championnat, quand même, Dijon, c'est une équipe qui fait énormément de jeux. Je sais que vous avez martyrisé Lyon à l'aller. Quel but d'ailleurs, Pierre, ouais, ouais, match aller. Je me souviens de ce merci but. Du but contre Lyon, je te remercie encore. et du coup, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui est très attractive, ouais. Mais finalement, vous êtes 18e, c'est quand même... Non, ils sont remontés. Non, 18e. Vous êtes barragiste. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de déception que ça ne suive pas autant? Bah, si, forcément, parce que ouais, même des fois, on aimerait peut-être être un peu moins beau sur le terrain, être plus efficace, parce qu'à force, c'est rageant d'entendre que ouais, on est une belle équipe qui joue bien, mais qui au final, on perd des points ou on perd des matchs dans les fins de match. Donc c'est vrai que c'est rageant, mais maintenant, il faut qu'on se concentre vraiment sur l'aspect défensif, parce que offensivement on arrive quand même à se procurer la plupart du temps des occasions sur chaque match, que ce soit contre les gros ou contre les plus petites équipes, donc Donc je pense que c'est surtout défensivement qu'il faut qu'on se concentre sur les 4 derniers matchs. Puis on l'a vu aussi ce week-end, où vous menez tranquillement, sans être plus en danger que ça, 3-0, et il y a cette petite frayeur à la fin. En 3 minutes où, ouais, ça, alors ça va, vous avez réussi à tenir le résultat, mais... Et nos casses folles de Angers à la fin, quand même, heureusement. Non, on n'aime pas avoir les matchs tranquilles, en fait, je crois. On aime bien les... Non, mais vous pensez au public, c'est bien, il faut les faire vibrer un peu. Non, ça serait bien passé, parce que à 3-2, on voyait vraiment le pire arriver, mais bon, on a tenu, pour une fois, ça nous a souri, et ça nous a fait le plus grand bien. Oui, Pierre, pour rejoindre ce que dit Cyril, Furlan disait souvent le maintien passera par le jeu. Est-ce qu'Olivier Dalloglio a le même discours? Oui, bah, c'est ça. Bah, après, nous, on s'en est jamais caché qu'on est une équipe qui joue, et puis bon, quand vous voyez les joueurs qu'on a dans l'équipe, on n'est pas forcément des joueurs physiques ou aller à la tête. Nous, on est vraiment des joueurs de ballon technique. Donc, et puis c'est la philosophie du jeu du club et du coach. Donc nous, ça nous va parfaitement. Oui. Ah, c'est pas Angers, quoi. Non, ouais, voilà. C'est différent, quoi. C'est différent. Du coup, donc dimanche, vous affrontez les Girondins. Est-ce que tu as suivi un petit peu récemment les Girondins? Qu'est-ce que tu penses de cette seconde partie de saison des Girondins, si tu les as suivis? Oui, bien sûr. Bah, j'ai toujours un œil avisé, parce que bah, forcément, c'était l'équipe que je supportais avant, quand j'étais petit, et même maintenant, malgré que je joue à Dijon. Donc... Ben, je trouve qu'il y a deux visages, quoi. La première partie de saison, ils me faisaient quand même un peu peur. Et ben là, cette deuxième, ils sont complètement métamorphosés. Et en plus, c'est agréable ce qu'ils font. Ils procurent du beau jeu. En plus, certains joueurs se sont révélés. Et, non, franchement, je trouve qu'ils sont très bien en ce moment. Et je pense qu'ils vont se calmer dimanche. Et ça ben, mais on rigole, mais moi ce match de dimanche, alors je sais pas si t'as suivi un petit peu, Bordeaux doit se déplacer donc à Dijon, ensuite Bordeaux va à Saint-Étienne, ressort Marseille et finit à Lorient. Moi c'est le match que je considère comme vraiment le plus compliqué. Je pense que ça va vraiment être mais une galère. Alors je parle pas en termes de comment dire, une galère sur le terrain. Je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour Bordeaux d'aller chercher des points à Dijon. Chaque fois, cette saison, vous avez énormément posé de problèmes. Ouais. Deux fois, c'est pas passé loin de zéro pointé, que ça soit. Ben ouais, c'est ça. Si t'as pas un miracle de Camalo, ça passe juste. Là, en plus, rajouté au fait que Dijon joue son maintien. Alors, on peut pas dire que c'est pas un match, c'est un match à enjeu. Là, pour le coup, il y aura pas de voilà. Ah ben là, oui, nous on joue notre vie, hein, donc. C'est ça. Donc forcément. On a la rage et on veut faire quelque chose, et en plus c'est chez nous, donc ouais, même si Bordeaux joue l'Europe, voilà, nous on joue notre maintien, donc on va essayer de jouer et puis de ramener la victoire chez nous, mais bon, ça après on peut pas juger et prévoir les matchs à l'avance. Hein. Et après c'est quoi le calendrier? Après nous on va à Guingamp, on reçoit Nancy et on finit à Toulouse. Ah, Nancy, ça va être une finale. Ça va être... Ouais, parce qu'après les deux autres. Hein. Bon, après Toulouse, tu vas dans un club qui joue plus rien. Ouais. Donc bon, ça peut être. Ouais, mais bon, faut toujours se méfier. Le dernier match à la maison, toujours envie de bien finir. Hein. Ah, c'est chez vous. Ouais. C'est à Toulouse, donc. En espérant que vous soyez sauvés d'ici là, quand même. Et moi, j'ai. C'est très bien. Ouais, je vous le souhaite franchement, parce que Nancy et Lorient, j'ai pas beaucoup d'amitié pour Loïc Ferry, que j'aime pas beaucoup. Donc je préfère vous sauver. Ça joue Lorient, Nancy, ouais, mais Lorient ça joue quand même. Mais moi j'ai une question, justement, par rapport à ça, est-ce que la Ligue 1 c'est vraiment au-dessus de la Ligue 2? Juste la Ligue 2, parce que la CFA c'est encore autre chose, mais vraiment la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a un fossé? Ouais, il y a vraiment un fossé, même si moi l'année dernière j'ai pas forcément... beaucoup joué en Ligue 2, mais ouais, il y a vraiment un fossé au niveau déjà la vitesse du jeu, de la technique, ça n'a rien à voir, et puis en Ligue 1, les moindres erreurs, vous les payez souvent cash, donc c'est là où on voit vraiment la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Est-ce que parce que alors nous on s'en rend pas forcément compte, puisque bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais Bordeaux joue l'Europe, donc on pose pas forcément la question. C'est la première saison avec ce système de 18e barragiste qui joue contre le 3e de Ligue 2. Alors évidemment, ouais. Je suppose que votre mission principale c'est de pas être barragiste, évidemment, mais est-ce que déjà vous peut-être commencez plus ou moins, parce qu'on arrive quand même sur vraiment la fin, est-ce que vous êtes dans l'optique aussi de se dire bah, peut-être que si on n'y arrive pas par le championnat, faudra peut-être penser à un barrage, Et ça rajoute deux matchs en plus, mine de rien, c'est quand même pas, sur une saison, c'est quand même pas rien. Bah nous, de toute façon, l'objectif, c'est de pas être dans les trois derniers, enfin dans les deux derniers, et pas être non plus dans les barragistes. Mais bon, après, si on finit 18e, bien sûr qu'on va y aller, hein, on va y aller. On peut pas laisser passer, même si c'est deux matchs en plus. Se maintenir en Ligue 1, c'est quand même l'objectif primordial, donc forcément qu'on ira, oui. Et sinon, au point de vue personnel, je sais que tu peux jouer sur un côté ou plus dans le cœur du jeu. Quel est ton poste préféré ? C'est vrai que moi, je joue un peu partout, mais dans l'axe, j'aime bien, ou sur un côté, moi, en fait, c'est peu importe. J'aime bien tout ce qui est poste offensif, mais après, du moment que je joue et que je suis sur le terrain, moi, ça me va, vous savez. Et du coup, moi j'ai une petite question, alors, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'un jour, jouer au Girondins de Bordeaux, ça pourrait être... Vu qu'il y a des places qui se libèrent peut-être sur les côtés l'année prochaine. Non, mais c'est... ça te pas dit forcément, jouer... là, mais... l'Europa League ? Ça te dit pas de jouer l'Europa League avec Bordeaux ? D'aller au Kazakhstan. ça après on verra, mais bon, déjà je suis pas sûr qu'il me vole, et puis on verra bien plus tard s'il y a des contacts ou pas. Mais t'as toujours de l'affection pour le club. Oui, voilà, j'ai aucune haine envers eux parce qu'ils m'ont viré ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé ce club et je continuerai à l'aimer, oui, ça c'est sûr. Oh, puis nous, les bons joueurs, on les aime bien, donc ça va, ça aurait pas trop posé de problème. Bon, bah donc on t'attend l'année prochaine en studio. On se rappelle, hein, et puis on... Non, et puis bon, mais pour cette fin de saison, quoi, moi, à combien de points vous estimez, vous, toi et ton coach et l'équipe, en fait, le maintien ? Les fameux 40 points. Est-ce que c'est 40 points ? Est-ce qu'il y a un objectif de points auquel vous non, êtes ? Non, ça, honnêtement, on parle pas de points. Enfin, chez nous, disons, nous, ce qu'on veut, c'est ramener les victoires. De toute façon, tout simplement, je pense pas qu'il faut se lancer dans des calculs maintenant. Il faut jouer les matchs à fond et surtout gagner et ramener des victoires. Après, je pense que les calculs ils seront vraiment à la fin, genre à la 37e ou même à la dernière journée, mais pour l'instant, on ne se lance pas dans les calculs. Ouais. Juste avant, une dernière question. Avant de nous quitter, il y a Anthony Boucherie et Ludo Gold de Lège qui t'embrassent. Voilà. Ah, c'est gentil. Mais bon. Des connaissances. Je leur envoie le bonjour. Voilà. Mais oui, Cyril. Donc, voilà, juste pour te remercier. Bah oui, on voulait te remercier, Pierre. Et puis surtout te souhaiter, vous souhaiter une bonne fin de saison et vous revoir en Ligue 1 l'année prochaine. Yes, ben, j'espère aussi, et puis on va tout faire pour en tout cas. Merci beaucoup Pierre Lesmelou d'avoir accepté notre invitation ce soir, et puis ben, bonne fin de soirée et bonne fin de saison. Merci Pierre. Bonne émission, alors. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Et sympa. Et sympa, hashtag Pierre simplicité. Lesmelou. Ouais, franchement, simplicité, bon gars. Hein. Bon gars. On a été correct au niveau du timing. Impeccable. Je crois que c'est la première fois de qu'on 15 minutes. On a respecté. Même été bon au niveau des questions, je trouve. Donc... Ah non, ça va. Je sais pas, mais... Non, non, bon gars. Franchement, bon gars. Simple, direct. Voilà, il a l'air crème. Et puis là, il a dit pourquoi pas. Et pour finir sur pourquoi Dijon, sur J+1, il y a eu un très bon reportage. Oui, sur le, je l'ai vu, sur le mec qui fait l'analyse les vidéos. Me spoilez pas. Ouais, non mais tu vas voir, c'est vachement intéressant en fait. Moi je savais pas, genre le gars à la mi-temps il descend dans le vestiaire faire des résumés machin tout ça, mais un travail de fou. Bref, si vous voulez retrouver, si vous venez de nous rejoindre et que vous avez pas pu écouter l'interview en intégralité, vous inquiétez pas, Adrien fera un podcast. Oui. Et vous pourrez retrouver les 15 minutes qu'on vient de passer avec Pierre Lesmelou dans le podcast d'Adrien qui sera en ligne d'ici quoi, demain grand max, c'est ça Adrien ? D'ici demain. Demain, ouais. Et Rico de toute façon va sûrement refaire des petites brèves sur le site G33, donc vous pourrez aller retrouver l'intégralité de l'interview. Messieurs, on va reprendre le cours normal de cette émission, juste pour vous signaler, tiens, on parlait du barrage, Lens est mené 1-0, Lens qui est donc pour l'instant barragiste est mené 1-0 au Havre au bout d'une demi-heure de jeu. On va reprendre le cours normal de cette émission avec donc le débrief de Bastia. Bordeaux qui gagne 2-0 à Bastia, alors qui gagne, j'ai envie de dire, au terme d'un match, ou la première mi-temps, excusez-moi, franchement... Elle est pas top. Elle est franchement, ouais. Franchement pas top. Elle est franchement crado, parce que entre si Bastia qui proposait pas grand-chose à part bien défendre, et ils ont bien défendu, il faut quand même leur reconnaître ça. Alors, si on n'est pas supporter des Girondins, on quitte le stade. À la décharge de Bastia, tu fais pas ta place. Après, si tu... Je vais vous donner quelques stats. À la décharge de Bastia, faut quand même rappeler, parce que moi, je m'en suis même pas aperçu sur le coup. Ils n'avaient pas Crivelli. parce qu'un accord a été passé avec Bordeaux. Maximum. Et surtout, voilà. Et non, surtout, il était sur le banc, il voulait pas le mettre, c'est tout. Non, c'est un maximum. Moi, de ce que j'ai entendu dire à Canal, c'est avant le match, il envoie un texto à son président, il dit je suis pas bien, je joue pas. Il était pas sur le banc, c'est un maximum. Alors qu'il lui a demandé de faire le déplacement. Parce qu'Adrien, je vois pas l'intérêt de se passer de Saint-Maximin si tu joues Non. Le Canal a dit hier, il a envoyé un texto. Et il a dit je serai pas là, à Bordeaux. Voilà. Donc c'est vrai que quand t'as déjà ton duo soi-disant, enfin qui marque, et là ils sont pas là, c'est forcément déjà plus compliqué. À Bastia, moi de ce que j'ai vu, c'était certes très défensif, mais il y a quand même un joueur pour moi qui a creusé l'écran à Bastia, c'est le petit Ngando. Franchement, il a été très. C'est le seul. Il y a que lui à Bastia qui a vraiment apporté un petit peu de danger. C'est alors j'ai une question sur le match. Oui. Dommage qu'on n'ait pas d'arbitre autour de la table. Si, moi je suis arbitre. Mais faut qu'on m'explique le coup franc. Parce qu'il les paroles. Le deuxième but. Mais les paroles. Ah, le coup franc qui amène le deuxième. Non, qui le premier carton à. Oui, il parle. T'as pas revu J plus 1. Oui, non, d'accord. Il parle, mais. Il parle. La règle, c'est tu parles, tu mets coup franc. Mais oui. Suivant ce que. Bon, bref, ça, à la limite. Qui amène le deuxième but. Oui, tu sais, là, le coup. Enfin, à un moment donné, le cas, il sait. C'est notre surface. Non, Adrien, il a pas suivi le match, il a pas regardé. Mais là, je vois même pas de quoi. Moi, je pensais que du premier jeune qui prend. Mais oui, mais c'est justement ça. Qui amène le coup franc de Malcolm sur la tête de Palois et qui amène le but de Sankaré. D'accord. Juste pour donner quelques stats, quand même, c'était pas non plus la folie en termes d'occasion, puisque bon, alors la possession est bordelaise, hein, c'est 57-43, c'est 14 tirs pour Bordeaux, 13 pour Bastia, donc ça se tient à peu près, sauf que Bastia n'en a cadré qu'un, et rappelez-vous, c'était en deuxième mi-temps sur une parade de Carasso. Bordeaux en a cadré 6 et a marqué 2 buts, donc un tir sur 3, c'est quand même. Un tir sur 3, c'est quand même criant de réalisme. C'était quand même pauvre. La deuxième mi-temps, heureusement, c'est un peu mieux, mais franchement, c'était quand même pas terrible, quoi. On l'aurait pas gagné dans d'autres circonstances. Heureusement, on se simplifie la tâche en marquant très rapidement le premier but par Malcolm à la 55e. Enfin, rapidement, j'ai trouvé ça 55e, au bout de 10 minutes. Je pense que t'arrives à la 75e 0-0. Tu te simplifies pas la vie là, ça va. Bon, tu marques en 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu mets 2 buts. Moi, je pense qu'il faut saluer surtout le coaching de Gourvennec. Alors voilà, ça sera deuxième un débat. Partie. Voilà, ça sera un débat non, en deuxième partie. Mais, parce que certes, Roland, moi, je l'ai pas trouvé transcendant. Non, mais c'est en deuxième partie. Oui, non, mais je finis. Sur le deuxième but, par exemple, c'est lui qui attire. Tiens, en parlant de. Oui, vas-y, termine parce que je mais remets un jour mon tout sondage. Ça pour dire que la réorganisation et le fait que l'équipe, moi j'ai trouvé qu'au milieu, en première mi-temps surtout, on manquait quand même un peu de liant. Liant Lasland, évidemment. Oui, non. Non, c'est nul. Liant Lasland qui a joué dans les deux clubs d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'était juste ça et je pense qu'on en parlera alors, tout à l'heure, mais le changement de Gourvennec a tout changé. Vous savez, d'habitude, depuis quelques émissions maintenant, on a mis en place sur Twitter 2 élections à chaque match. L'élection du bide, alors là le bide, on ne vous l'a pas proposé sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on est tous tombés d'accord pour on dire que c'était Carmano. Marine Le Pen, non, pardon. Donc non, on parle pas de politique dans cette émission. Ouais. Sauf à la pause où les deux morceaux que j'ai mis parlent pas politique. Sauf mais vous écouterez pêche. Bien les paroles, ça fait réfléchir. Non, il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le bide, on est tous tombés d'accord pour dire que c'est Camano. On va en parler deux minutes quand même. Franchement, c'est le seul qui rate son match du début à la fin. Autant les 10 autres ont raté leur match, mais qu'en première mi-temps. À part peut-être, un ou deux, Sankaré tout là-dedans. Lefchouk. Mais alors lui, Camano pour le coup, n'a rien réussi. C'est le gars qui a. Sur voilà. Alors, on peut pas lui reprocher de pas avoir tenté. Non, mais je pense qu'à Camano, il y a aussi une part d'affect, il y a la fatigue, il y a une part d'affect, il y a peut-être un peu tout ça. Parce qu'à l'aller, il n'avait pas été super non plus face à Bastia. Et le fait aussi qu'il a que 21 ans et qu'on lui demande d'enchaîner, qu'à la base, il n'était peut-être pas préparé à ça. Donc voilà. Et il rejouait contre Bastia. Oui, Camano, il ne vient pas pour être titu à la base. Ça peut être un facteur. Camano, aussi. À la base, c'est le remplaçant de Ménès. Ouais. Et il jouait contre Bastia. Après, honnêtement, est-ce que non, ça fait presque un an qu'il n'y est plus Non, mais les mecs le connaissent. Et puis voilà. Et puis le fait que Bastia ne s'aille pas bien. Oui. Donc à un moment. Après, je sais pas. Je fais des hypothèses. Je suppute. Ouais, j'ai pas trop ce mot, mais bon. Je te le laisse volontiers. Mais... Ouais. Mais voilà. Mais après, je pense aussi qu'on a tiré beaucoup sur la corde de ce trio là, KLM, Camano, Laborde, Malcolm. faudrait pas qu'ils nous claquent entre les doigts avant la fin de la c'est, saison. C'est vrai qu'on leur en a beaucoup demandé. Même Malcolm fait pas non plus. Et attendez les gars. Je... Alors on l'a dit dans l'élection du banderole. Je vous calme de suite les enfants. Même la board, on n'est pas. Je vous calme de suite les enfants. On n'est pas Monaco, on n'est pas le PSG. On n'a pas 50 matchs à faire encore. Hein. Non mais on en a que 5. Mais physiquement, oui. On en a qu'un par semaine. Enchaîner les performances à haut niveau qu'on leur demande. Parce que clairement, c'est par eux que doit arriver l'étincelle. À un moment donné, l'exigence, elle est quand même énorme. Surtout pour, mis à part Malcolm, qui a l'habitude du haut niveau. Laborde a surtout une carrière de prix en Ligue 2, voire nationale. Camano n'a jamais eu une saison de titulaire. Oh, il a 50 matchs avec Bastia, quand même. Ouais, mais il était remplaçant. Moi, la Camano et Laborde. Je veux dire, il n'arrive pas de zéro. Quoi. Oui, Camano et Laborde, j'ai eu du mal. Moi, là, il était remplaçant. Ah, quoique, oh, il faisait la doublette avec. Oui, non, mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, il a un rôle de titulaire dans une équipe qui a des prétentions européennes. Donc, oui, et puis c'est normal qu'il y ait des jeux. Enfin, il ne serait pas à Bordeaux s'il mettait un but. Mais il faut être capable d'enchaîner et d'être régulier au niveau de la performance. C'est quand même compliqué. Et puis mentalement, il commence à y avoir des sollicitations aussi. Ouais, on l'entend à droite à gauche. Machin, ils sont là. Machin, ils sont là. Bon, alors bizarrement, ça vise plus Malcolm que Camano. Ouais. Honnêtement, les rumeurs. Mm-hmm. Malcolm, lui, a l'air de plutôt bien le vivre, même si. Ouais, je pense qu'il a été habitué. Il est Malcolm, voilà. Malcolm, il vient du plus grand club brésilien quasiment. Voilà. Un des plus grands clubs brésiliens. Ouais. Il a tout connu. Il a connu les sélections au Brésil. Il arrive en France. C'est pas parce que nous, on le connaissait pas que. Il n'avait pas déjà un petit CV, le petit. Il y a Thibaut qui dit un truc sur le chat, notre ami Thibaut, que l'on salue. Salut ouais. Thibaut. Qui nous dit, et alors c'est peut-être pas faux aussi, parce que ça c'est vrai que c'est un truc qu'on n'en a pas parlé, mais Camano est aussi handicapé par la présence de Gaïc à gauche, puisque pour la deuxième fois en deux matchs, Gourvennec a décidé de se passer d'un vrai arrière-gauche en mettant Gaïc. Tu vois, non Camano, parce que Gaïc, il fait pas non plus. Non, mais Camano, il a plus le coup de rein. À un moment donné, il y a aussi la réalité. C'est-à-dire que là où il était capable de faire la différence sur 5-6 mètres, aujourd'hui, il a plus cette accélération-là, cette double accélération qu'il a eue. À un moment donné, il a été très, très en forme. Et là, peut-être qu'il est un petit peu dans le down. Moi, vous voulez que je vous dise, je pense que c'est plutôt psychologiquement qu'il n'y ait plus. Le match à Nice l'a tué. Franchement, je pense sincèrement. Parce que même le match d'après, c'était quoi ? Il n'est pas plus catastrophique que les autres à Nice. Ah si, oui, il rate. Ah oui, c'est vrai qu'il rate. Le match de Nice, après, c'était quoi ? Je l'ai trouvé en dedans aussi. À Nantes, bah, pareil. Angers, je crois qu'on va à Angers. Non, mais c'est normal. Après, c'est normal. C'est vrai que le match à Nice... Depuis Nice, on le voit plus. On parle de ce trio. Puis quand on analyse la saison de ce trio, ils ont tous eu un trou. Malcolm a eu un trou. Laborde a eu un moment vers le match de Nancy et tout ça où il avait des grosses occasions, il les mettait pas. Camano était en feu à ce moment-là. Et puis maintenant, c'est à lui d'avoir un trou. C'est des jeunes joueurs. C'est normal qu'ils aient soit de la fatigue, soit... la fatigue psychologique. Là, je pense que c'est un ensemble. C'est que. Qu'est-ce qu'on va dire l'année prochaine alors ? Mais l'année prochaine. Si on joue la Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais si on joue la Coupe d'Europe, on aura sûrement un meilleur effectif. Voilà. Oui. Camano sera peut-être pas titulaire. Si Ménès sera sûrement remplacé. Donc, ou titulaire avec une vraie saison, une vraie prépa. Il n'y aura pas Touré de blessé, il y a quand même Touré. Il y aura Pierre Lesminou déjà. Maurice Belé qui sera peut-être revenu, enfin à moins qu'il parte. Il y aura un nouveau ménage, je pense, et donc de nouveaux joueurs. C'est à souhaiter, tout renouvellement était bon à prendre. Mais le fait qu'il y ait Gaïc à gauche ne l'aide clairement pas. C'est vrai que sur ce match-là, autant Gaïc il avait été pas trop mal à Nantes. Offensivement, c'est trop compliqué pour lui sur le pied gauche. À droite, je le trouve très bien. Après, c'était son deuxième match. Moi, je le trouve très, très sévère. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé que pour quelqu'un qui a pas l'habitude de jouer à gauche, et défensivement, il a été sérieux. Après, offensivement, deuxième période, il a essayé d'apporter. Après, c'est clair que techniquement, pied gauche c'est plus difficile que le pied droit. Mais bon, Sabali a eu les mêmes soucis. Il a plus de voix, le pauvre. Ouais, pardon, excusez-moi. Sabali a eu les mêmes problèmes, quand on l'a fait jouer arrière gauche. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le foot moderne, quand t'es pas sur ton bon pied, c'est compliqué. Et donc, tu t'aperçois que quand Contento est pas là, t'es pas bien. Par contre, encore une fois, on en avait parlé vendredi. Pelnar out. Enfin, il était là, mais pas utilisé. Pungé en CFA, on se rend compte que Gourvennec n'a pas forcément confiance en, en ses remplaçants arrière gauche. Bah, je pense que la priorité, ça sera de prendre un arrière gauche, au moins après, un numéro 2. Je connais pas la réalité des entraînements, de ce qui se passe dans la vie du groupe. Mais concernant Pelnard, c'est peut-être dans l'optique qu'il ne va pas le conserver à la fin de l'année. Donc il s'est dit, je vais essayer de faire progresser des joueurs. Pas forcément. Après ça, les enfants, ça c'est que des supputations. C'est de l'hypothèse. Mais bon, s'il comptait sur lui, à un moment donné, peut-être qu'il aurait mis titulaire en remplacement de côté tout quand il est blessé. Tout le mois de janvier-février, il l'a fait. Bah, c'est ça, c'est, il l'a fait en début de saison. C'est ça qui est bizarre. Étonnant, oui. Mais c'est ça qui est bizarre. Pourquoi quand Contento se blesse, il parce va prendre un arrière droit remplaçant, voilà, parce que plutôt Nantes, que l'arrière gauche remplaçant. On en avait parlé avec Cyril. À Nantes, ça se tenait. Oui. Jovanovic étant suspendu, oui, tu te gardes Pelnard, tu dis si on a un des deux qui se pète ou qui sort ou qui se blesse. Bon, allez, j'ai mon là. Mais là, t'avais Jovanovic sur le banc. Donc, je veux dire, à moins que... Bah, faut vraiment pas avoir un coup de chance pour que tes deux centraux, ils se pètent dans le même match, tu vois. Si t'as un arrière-gauche de métier, j'ai pas compris. Si ça se rive. Il y aura un débat, je pense, d'ici la fin de la saison. Mais je suis en train de penser à ce que tu dis. Tu disais Pelnard et Jovanovic. Les deux que tu viens de citer, c'est pas sûr qu'on les garde. Bah alors apparemment Thibaut sur le chat nous dit Pelnard ne sera plus le Girondin la saison prochaine, apparemment, donc mais moi je trouverais ça dommage. Après, si tu recrutes mais aussi si... bien voire mieux, bon, non, mais, après, mais Gaït, je pense aussi c'est une... même si c'est des matchs compliqués pour lui et c'est pas peut-être un cadeau empoisonné, c'est une sorte de récompense. C'est un joueur qui a joué un nombre de matchs. Je suis pas sûr que ça soit une récompense de pas te faire jouer au poste, à ton poste, eh. Non mais dans le genre, je t'envoie à l'abattoir. Imagine il perd sur le but, oui, de côté gauche avec Gagic. C'est pour ça que j'ai dit que c'était peut-être un cadeau empoisonné. Mais on sent cette grande confiance envers Savali. Moi, je pense que confiance envers Gaït. Gorvenek, il marche à l'affect. Je pense qu'il a plus de. Pas forcément l'affect, mais je pense qu'il est plus au niveau du feeling. Voilà. Au feeling, je pense vraiment que. Moi, c'est ce que je t'avais dit dès Angers quand j'avais vu Palour arrière gauche. Je t'avais déjà dit, pour moi, ça annonce clairement un manque de confiance de la part de Gorvenek envers Pelnard et Pungé. Mais le pire de tout ça, c'est que Pelnard le vrai problème, joue même plus que ça soit en CFA. Mais le gros problème, ok, Pelnard, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie. On l'avait reçu ici, c'était un bon gars. Qui est très gentil, voilà. On l'avait reçu là, c'était plutôt un bon gars. Ouais. Mais le gros problème, c'est Pungé. Pungé, on vient de le re-signer 2 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est pour mieux le vendre, mon enfant. Mais comment tu le vends? Même en CFA, ils en veulent plus. Quoi. Bon, là, il est suspendu en plus, celui qui s'est fait expulser. Ouais, après, je sais pas. Après, il y a oui, quand donc même... il pouvait pas jouer ce week-end. C'est ça aussi, parce qu'il était suspendu. Non, Pongé était en CFA ce week-end. Ah, c'est quand qu'il est suspendu? C'est la semaine prochaine. Il a été suspendu, c'est bon. On va parler quand même de ce qui a été, et pour, je pense, pas mal d'entre nous autour dans l'équipe GA, et pour aussi les tweetos. Donc, on vous avait invité à élire le banderole le du bon match. Drôle. Vous aviez le choix entre 4 joueurs, Malcolm, le Palois, Toulalan et Sankaré. Palois a recueilli 5% des votes, Malcolm 11, Toulalan 12, et évidemment, est-ce vraiment une surprise, oui, l'homme du match, passeur décisif, une passe, mais alors d'une beauté, mais absolument magnifique, sans contrôle. Je vais encore le redire, je me suis sacrément planté sur lui. Et un ah ouais, c'est marrant, je pensais à toi. Et un but. Je l'avais dit il y a 2 semaines, mais pied carré, finalement, il est pas si mauvais. Et un but, mais même lui, si t'as vu le CFC, même lui a eu le. Bon, je l'ai adoré. Il dans le CFC. Il les cache, le mec, mais c'est génial. Le CFC, il avait à côté. Mais il avait un côté enfantin. J'avais l'impression de revoir des branleurs. Mais il est génial. Quand je suis plus, à un moment, je ne sais plus quelle question elle lui pose à ma machin. Il fait ouais, non, je m'en fous de ça. Je ne sais plus ce qu'il lui dit. Ah non, le pire, cache, c'était l'interview à la mi-temps de Nantes. Ouais, en fait, ouais, voilà. Le match, il est merdique. Oh, je m'en fous. Je ne vais pas vous dire que c'était ça. C'est nul. C'est Younous Sankaré qui, sur le deuxième but, mais c'est indécent. Il mutile Cahuzac. C'est-à-dire qu'il lui marche dessus. Il s'essuie sur sa tronche. C'est un paillasson que le pauvre Cahuzac. Voilà, Sankaré. On va quand même en parler un petit peu. Tu vois, tu parlais d'affect. C'est la recrue. Je pense que Gourvenec lui fait du bien. Ah, mais c'est la recrue. Il était totalement invisible, ouais, comme ses 11 copains avec lui à Lille. À Lille, mais d'ailleurs, il le dit dans le CFC. Il le dit qu'à Lille, il est parti parce que c'est pas parce qu'il jouait pas. Il le dit, je jouais à Lille. Et seulement, le projet ne lui convenait plus à Lille. Au bout de 6 mois, il s'était déjà rendu compte que ça allait pas du tout. Ok, finalement, Bordeaux, on est bien content de le récupérer. Ben, c'est ça. C'est... Mais ça fait partie des joueurs qui marchent au milieu. C'est grâce à lui, notamment, vu qu'on là, il est décisif, on en parle. La métamorphose du jeu girondin, elle vient de là. Elle vient de lui. Comme par hasard, le mec arrive. Vada, elle vient de Sankaré. Même... Je chantais, pardon. Elle vient de là, elle vient de Sankaré, voilà. C'est la chanson. Alors là, j'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Elle vient du blues, tu connais pas la chanson ? Putain, oui, mais ça rime pas. Faut que ça rime une chanson, Alexis. L'alcool, c'est mal, les enfants. C'est Adrien qui le dit. Ah, la drogue. Bah ouais. Oui. Ah oui. Bah ouais. C'est bien de faire des chansons, Alexis, mais faut que ça rime, sinon tu feras jamais carrière. Grave. Mais c'est pas grave, je suis Francis Cabrel à la moitié. Jean-Jacques Goldman, elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Tu vois ? Ça rime. Sinon ça marche pas quoi. Si tu mets, du vieux pain sur son balcon pour jouer avec Vada et Sankaré, ça rime pas. Je me retourne pas. Oui, non, donc Sankaré. Sankaré, c'est notamment lui, il en impose par ses stats et tout ça, mais aussi il faut montrer que c'est grâce à lui notamment que Vada est libéré, que Vada a de meilleures stats offensives et délivré. Il ne mentira plus jamais d'ailleurs. Mais c'est pour ça que ce milieu est très intéressant. C'est complémentaire. C'est dans le football. Non, ce qui fait plaisir surtout, c'est que quand tu vois Plasil rentrer, ça dénote pas. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une rentrée de Plasil aussi bonne. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mon petit Cyril. Il est rentré, il y avait 2-0, c'était Bastien. Oui, non, mais peut-être. Tu le fais contre Monaco ou Paris, je suis pas sûr. Là, on débriefe pas Bordeaux-Paris ou Bordeaux-Monaco, on débriefe Bordeaux-Bastia. Et la rentrée. Dans les conditions possibles. Peut-être. Et on a vu des joueurs rentrer dans des bonnes conditions, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, et pas être bons. Et je pense à Ounas, je pense à même Camano au début de ce rappel-toi à Rennes, il m'avait rendu fou, on était avec Cyril, il m'avait rendu dingue. Ménez et d'autres, il n'y a pas que lui. Enfin, voilà. Plasil rentre et effectivement moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il fait une très bonne rentrée. Alors certes à 2-0 c'est plus facile. Je savais que vous allez me le servir ce soir, mais non, mais à un moment donné c'est le professionnalisme qui paye. C'est quelqu'un et il a la balle du 3-0, il a raison, nous dit Thibaut. Je sais pas comment il fait même pour la foutre à côté parce qu'elle est bien. Il essaye trop de la cadrer. Ça a jamais été un finisseur. Oh, il en a mis quand même quelques uns. Il en a mis 4 ou 5. Sa meilleure saison, ça devait être 4. Alors, c'est dommage. Dernier, je crois que c'est dommage. Il a mis un super but avec Monaco contre la Corogne, c'est tout dont je me souviens. Non, c'est vrai. À Bordeaux, il a mis une tête contre. Mais l'an contre dernier, Paris. Il en a mis 3 ou 4, je crois. En 2010. Oui. Ou Lyon, Paris, ou Lyon, je sais Lyon, plus. Lyon, Lyon. Mais après, ce qui est plaisant, c'est vrai que Plasil rentre, il fait un bon match. Mais maintenant, on a possibilité, comparé en début de saison, de pouvoir jouer en 4-4-2 avec un joueur comme Sankaré qui apporte cette densité quand il n'y a que deux joueurs au milieu. Mais après, il y a un joueur qui a eu que 5 sur l'équipe, c'est Toulalan. Toulalan, c'est le papa. Quoi. Toulalan, c'est. On l'a Toulalan mis aussi dans les tops. Et même Palois, voilà. T'as deux joueurs sur ton milieu et ta défense où, voilà, ça en impose. Alors, il y a Kéopar qui nous dit à 2-0 contre Bastia, même Rico, il peut faire une bonne rentrée. Alors. Oui. Je suis pas sûr, même moi je pense que je me serais raté. En connaissant Rico aussi, quand même, je pense un ou deux petits contacts avec Cahuzac. Parce que Cahuzac il fait le cake. Mais tu lui envoies Rico, mon gars. Non, mais Rico, il rigole plus, Cahuzac. Rico, il est pas violent. Alors que moi je vais lui parler à Cahuzac. Oh, Cahuzac. Et moi je m'en fous de prendre un rouge. Tiens, mais du coup, Bastia a pris un rouge. Alors, c'est étonnant. En parlant de rouge, s'est fait expulser lors de ce match Abdelhamid El Kaoutari. Alors, un premier jaune. Autant le deuxième il le mérite, autant le premier est totalement, mais alors d'une stupidité absolue. C'est-à-dire que le mec bug, le gueule, l'arbitre. Pour une fois, alors tiens, parenthèse. Tony Chaperon. Pour une fois. Tony, je vais te dire du bien de Tony Chaperon. Je pensais même pas que de mon vivant ça arriverait. Plusieurs fois, il a été bon avec Bordeaux. Il a fait un bon match. Il a pris les bonnes décisions quand il fallait les prendre. Après, même si pour moi, le jaune sur la discussion, c'est un peu. C'est bon, un personnage, Chaperon. Il a besoin d'être. Pour lui. D'être le saint. Moi, ça me fait il me fait penser. Je sais pas si vous souvenez lui. Vessière, Garavion. Mais. Avurs. C'est-à-dire, c'est un mec, c'est comme un joueur de foot, c'est une star sur le terrain. C'est comme si il faut le respecter parce que pour lui, c'est la star. C'est comme si vous regardez. Mais Vurt savait pas ce côté qu'avait Garibian, Vessière ou Conchaperon, ce côté un peu au-dessus, un peu dédaigneux, un peu. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Vurt, il avait plus ce côté affectif. C'est personnage. Mais c'est comme si vous regardez Nigel Owens. Ah oui. L'arbitre gallois au rugby, Nigel Owens. Il a besoin d'être la star aussi. Mais c'est pas forcément très bon parce que des fois, ça peut justement. Mais après, une fois que tu sais ça, que Chaperon, il faut pas le prendre de haut parce que si jamais tu vas le contester, si jamais tu vas lui parler de manière négative à te prendre en grippe et ça, ça va être tout le match. Mais Chaperon, je lui ferai une statue le jour où il mettra un rouge à la 92e à la Bastia et il sortira son maillot et le présentera à tout le public Bastia. Un rouge à la Casette avec un pénalty à la dernière minute contre Lyon. Vous avez pas vu ce truc sur Facebook qui tourne le gars qui a mis son button volt de Marine Le Pen et qui a rajouté Alti pour Lyon. En barrant Marine Le. En barrant, ouais, Marine Le, penalty pour Lyon. Bah ouais, mais même dans les urnes, il y a penalty pour Lyon. Faut arrêter avec Chaperon, nous dit Emeric. Ça fait des années qu'il n'a plus provoqué de polémique. Oui, je sais, Rico. Mais quand t'aimes pas un gars, je suis désolé, t'aimes pas un gars. Et depuis, Sébastien déteste tous les choses. Non, mais moi, j'en ai pas eu beaucoup. Vessière, Garibian, Chaperon, pour moi, c'est mon top 3 des pires arbitres de l'histoire du football. Non, mais c'est vrai que Chaperon, honnêtement, il s'est quand même calmé. Je vais être quand même raisonnable et honnête. Puis c'est par il période. Il s'est calmé depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'il fut un temps, comme tu dis, Cyril, c'était souvent, voilà, c'est je fais mon machin, mon show, mon truc. Il s'est un petit peu calmé. Est-ce que ça on l'a a parlé pas, de lui tout à l'heure parce que c'est le président de la Ligue d'Aquitaine aujourd'hui, mais Jimmy était un petit peu comme ça aussi. C'est des joueurs qui, c'est des entraîneurs qui se prennent pour des arbitres qui se prennent pour des Après, joueurs. Il y a un truc que je leur enlève pas. Faut se mettre à la place d'un arbitre. Les joueurs sur le terrain, ils sont 11. Tu gères toi, t'es dans l'équipe, t'as 10 collègues avec toi. Lui, au mieux, lui il en a un. Non, mais je veux dire, l'arbitre, il est seul. Au mieux, il en a deux qui sont à 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, et il est tout seul. C'est-à-dire que quand il a 10, 15 gars qui viennent autour de lui, il est tout seul. Donc, il faut aussi se faire respecter. Gauche, mais se faire respecter. Mitraillette à droite, c'est tout. Non, mais se faire respecter, c'est pas non plus. Mais là, franchement, voilà, pour une fois, il a été très bien. Et, après, et on a gagné 2-0, il n'y a rien et à voilà. dire sur l'arbitre. Il y a un truc quand même négatif, les enfants, et ça, pour le coup, j'espère qu'on va pas le payer sur les 4 derniers matchs, parce que franchement, moi, ça me fait très peur, et c'est Rico qui m'a rappelé ça sur le chat, il a raison, et il a dit ce dont j'ai peur. On en a 5. Donc au moins 3 cadres qui sont menacés au prochain jaune surtout, et les 5 les enfants, surtout, ça fait peur. Non, c'est surtout Palois et Toulalan qui prennent, s'ils prennent un jaune, leur dernier match ouais, en fait. Tu peux rajouter 100 carrés, Vada. Oui, non, mais leur dernier match là, c'est Palois et Toulalan. Donc Dijon, s'ils prennent un jaune, c'est leur dernier match où en fait après ils sautent le truc, tu vois. Oui. Après le prochain match, le problème c'est que si tu prends un jeune contre Dijon, tu es suspendu contre Marseille. Et voilà. Mais si et sans carré, Vada, vous pouvez les rajouter aussi. Mais s'ils prennent un jeune contre eux, ça va courir jusqu'à la fin de la saison. S'ils prennent un jeune contre Saint-Étienne, on s'en fout après, ça sera Lorient. Parce que c'est au bout de 10 matchs, ça s'annule. Et Palois et Toulalan, c'est genre ils ont pris 2 jaunes en 9 matchs. Parce que sans carré, Vada en fait, ça sera valable pour Saint-Étienne et pas pour Marseille. Non, parce que c'est la commission d'après. C'est la commission d'après. Ouais. Si tu prends Dijon, t'es forcément. Le premier qui prend jaune à Dijon qui est menacé, il rate Marseille. C'est très simple. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. Ouais, mais les enfants, il y a sauf quand t'es Lyon. Lyon a choisi ce match. Il y en aurait 2. À la limite, je peux te dire, tu fais en sorte que les deux. Moi, je comprends pas d'ailleurs. On en parlait l'autre jour. Moi, je comprends pas. Mais pour Palois, putain, c'est Bastia, garçon. C'est le match rêvé pour prendre un carton. Prends le comme Bastia, tire un vieux maillot tout pourri, tu prends ton âne et on en parle. Qu'il a envie de tout tu jouer. Sais ce que c'est le problème ? Et tu auras Dijon. C'est que c'est Letchouk qui a pris un carton bête. Alors, Letchouk, pardon, en prend un au bout de 25 minutes. Oui, et il prend problème, un carton vraiment fait. Très bête. Et il est sorti pour ça. C'est le dernier match. Si Palois prend pas de jaune à Dijon. Ce qui est possible, pourquoi il prendra un jeune. Enfin, quand t'as Dioni qui te. Parce qu'il va falloir se faire. Au pire, Dioni, ça sera Levchuk et ou Jovanovic qui vont s'en charger. Ouais. Point. Ou au pire, tu veux pas prendre de risque, tu fais pas jouer Palois. Tu mets tout la langue. Tu fous Palois sur le banc. Et tu joues avec Levchuk, Jovanovic. Parce que, franchement. Puis même le. Ah non, là tu ils, mets le ils, non, mais ils sont suspendus. On a. Faut aborder Marseille avec tous nos joueurs. Hein, sinon, au moins tu sécurises Palois. Si. Il faut se concentrer match après match et l'important c'est les 3 points. Non mais si on fait 4 points contre les poteaux, c'est que rentrant. Contre Dijon et Saint-Étienne. Sinon c'est à côté. Si on fait 4 points contre eux déjà, je pense qu'on sera très bien placé pour le match contre Marseille. Donc non mais Marseille c'est une symbolique, c'est ton dernier match de la saison. Ouais mais les enfants, donc, avant de parler de Marseille, j'en peux plus moi. Depuis samedi, j'en peux plus. Je m'en fous de Marseille. Si tu gagnes pas à Dijon, tu gagnes pas à Saint-Étienne, Marseille, il ne te sert à rien le match, moins que eux évidemment dans le même temps ne gagnent pas. Tu crois qu'ils vont aller gagner à Caen et gagner je sais plus où? Eh ben tu croyais que Lorient allait gagner à Lyon toi? Non. Ouais, non mais Alexis, c'est bien de faire des comme ça, de dire tu crois que ça. 3 jours après, ils avaient un match de Coupe d'Europe, Lorient, ils s'en cagaient les couilles. Je te le dis textuellement. plutôt. Eh ben, écoute, on verra bien. Bah, bien toi, sûr. Tu pars du principe que ouais, Marseille, ils sont bidons, ils vont pas gagner. On verra bien. Jean-Michel Poésie. Voilà. On verra. Moi, je te dis que c'est pas si évident que ça. Tu sais quoi, contre Nancy, ils doivent perdre 50 fois. Marseille. On verra si on va aller gagner 4-0 à Saint-Etienne ou 5-0, je sais pas combien mais ils l'ont remis. Mais c'est pour ça que le match de Marseille, l'important, c'est. Les nuances entre les 3 points. Oui, non, non. Mais Marseille, si on prend 4 points. Sur les deux prochains matchs, le match Marseille, c'est du luxe. Ça veut dire que ça sera... Moi, j'aimerais accueillir l'OM avec 5 points d'avance. Et là, tu peux perdre le match. T'es peinard, tu prends un point à Lorient, c'est réglé. Parce que... Mais déjà, être devant Marseille avant ce match, mais voilà, ça sera un match de gala. Alors, peut-être qu'on sera toujours à la lutte avec Lyon. Mais on pourra le gérer calmement, sereinement. Alors que Marseille devra absolument Marseille gagner. Ils savent que s'ils gagnent pas, c'est foutu. Oui, voilà. Tu sais quoi, je vais te dire. Si c'est pas plié avant. Tu fais 3 points contre Dijon, t'es européen. Déjà, ils sont pas dans les objectifs. Garcia, il avait dit, c'est 15 points ou rien. T'as perdu, tu dégages. Oui, mais Garcia... Mais Cyril, le football, vous savez très bien que c'est pas si simple que ça. Moi, je comprends pas. Pour revenir à Bordeaux, ouais. Tu prends 3 points à Dijon, t'es européen, point barre. On s'en fout. Et l'important, c'est Dijon. Emric nous dit, on essaiera d'avoir Certic en interview avant le match contre Marseille. Et pourquoi pas ? Franchement, si on le fait, c'est énorme. Pourquoi pas ? Ouais, bah, je suis pas sûr. Mais non, bah, alors évidemment, s'il ne sera pas là. Non, mais si on le fait, c'est magnifique, franchement. Non, mais déjà, faut avoir le contact. Et déjà, c'est facile. À mon avis, tous les 05 qui boycottent. Tout sur Twitter, ce qui s'appelle JIR, tu sais, qui commence juste par JIR. Même si c'est n'importe quoi. C'est blacklisté. C'est Girophare. Girophare. C'est peut-être pour d'autres raisons. Non, mais franchement, faut le tenter. Faut faire vraiment supporter. Alors, Emile qui dit non, je déconne. Moi, je déconne pas. Sérieux, faut le tenter. Supporter, Girophare. Okay, faut faire comme Younous Sankaré l'a dit hier dans le CFC, c'est match après match. Eh oui. Mais faut arrêter avec les phrases c'est bateau. Hein. Non, mais c'est pas une phrase bateau. C'est depuis février que ça marche comme ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est ça. Et je suis content vu que là, avec ces 3 victoires d'affilée, on retrouve notre rythme de 2 points par match. Bah, depuis Nice, on s'est bien rattrapé. Oui. Donc, il nous reste dans cet objectif, il nous reste 8 points à prendre minimum sur les 4 prochains matchs. Si on peut en prendre déjà 6 contre... Parce que vous en parlerez vendredi soir. Moi, je vous dis, Dijon, attention. C'est compliqué. Attention. Alors, c'est très compliqué de recevoir tu sais deux quoi, fois d'affilée. C'est ce que va faire Dijon, recevoir deux fois d'affilée. Les deux prochains matchs pour Saint-Etienne, c'est nul à chier. Mais Dijon et Lorient, c'est les plus compliqués. Hein. Bah, Dijon, oui. Lorient, ça peut, comme je disais à Cyril, oui, Lorient, dépend, le Lorient-Bordeaux, suivant ce qui peut se passer, il peut compter pour que dalle. Que ce soit pour Bordeaux ou pour Lorient. Mais tous les à la limite, tu me diras. Lorient, s'ils gagnent le week-end prochain, c'est bon, ils sont maintenus. Hein. Mm. Il y aura encore 9 points. Quand même, oui, 9 oui, points. Mais bon, il sera à 38 points. Ouais. Mais ils auront fait un bon pas, on va dire. Mais maintenant, et on le voit depuis 2017. 2 minutes après, on fait la pause. On dit souvent les matchs. Ah non, 7 minutes, pardon. Ah, bon, bah, c'est bon, je peux faire comme Marc. Bah, vas-y, il est pas là, profite. Oui. Mais il rappellera, il sera avec nous après la pause. Donc profite maintenant. Je prends mes RTT. Non, mais. Il sait même plus dit... ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. On dit que. Oui. Bon. On dit que les matchs sont compliqués. Mais depuis 2017, à Bordeaux, il faut qu'on comprenne maintenant que Bordeaux. Pourquoi on dirait Sarkozy qui parle Ah, laisse-le finir. C'est les cheveux, ça. Allez, Adrien, te laisse pas. Depuis 2017, ce n'est pas. On trouve qu'il n'y a pas eu de match extrêmement compliqué à part contre les 3 premiers. Et encore, les deux contre Paris et Monaco. Parce que Bordeaux commence à imposer sa patte sur les matchs. Pas forcément au niveau du jeu, vu que des fois on subit. Enfin, la reprise depuis la trêve, moi je la trouve un peu quand confiance. Même. On le fait moins, ça, cette emprise à Nantes, franchement. Où Bordeaux a mis son emprise après l'ouverture du score, mais jusqu'à l'heure de jeu. Non, t'es en feu. Là, en ce moment. T'as mis ton emprise à Bastia, il a fallu marquer rapidement parce que sinon tu l'avais, t'avais une emprise de rien du tout. Oui, mais non, t'es en feu en ce moment. Non, contre en feu, ils sont nuls à chier. Mais faut regarde arrêter. Ses résultats. Non, faut mais regarde leurs résultats. Regarde leurs résultats. Ils sont peut-être nuls à chier. Enfin, c'est une équipe qui depuis qu'il a changé d'entraîneur, je suis désolé, tourne plus que bien. Regarde leurs résultats. Et puis contre Bastia, on n'a pas. Tu dis qu'on n'a pas la main sur le match. Mais on n'est pas mis en danger. C'est ça, c'est que autant. Ce que je disais, c'est pas forcément par le jeu, c'est pas forcément une domination énorme. mais c'est une certaine sécurité, une certaine confiance qu'il y a au sein du groupe et qu'il faut surveiller vu que des fois trop de confiance peut nuire. Oh là, arrête. Trop de confiance tue la confiance. Voilà. Mais ça peut. Voilà, c'est. Peut-être qu'à la fin de la saison, le niveau moyen des matchs Girondins aura. Et c'est objectif, sera plus fort que le niveau moyen des matchs des Girondins en 2016. Ah, vas-y! Parce que là, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, Adrien. Non, mais c'est Macron. Deux... C'était la quatrième dimension, là. Pas de politique. Ça fait c'est la quatrième dimension, là. Allez. Alors. J'ai rien compris, moi. Bah oui, justement. Vas-y. Allez. Alors. En fait, cette musique, ça plus simple. En plus simple. En une phrase, c'est possible. Disons que. Adrien qui galère, nous dit Louis, notre ami Louis, que l'on salue. Oh là, moi, bien. Louis, c'était bien le classico hier. Et ouais, il est pour le Barça. Je sais qu'il peut pas répondre, en plus, c'est pour ça. Ah, il est pour le Barça ? Ouais. Bon, bah, je l'aime bien, alors. Ouais, on lui fait un bisou à Louis. Non, c'est simple. C'est notre exigence envers les Girondins et leur qualité de jeu aura augmenté en 2017 par rapport à 2016. Tout simplement. Ah bah tu vois. Non mais comme tu veux. Pour moi ça paraît Non mais ça me paraissait ça veut... comme tu veux. Ça veut pas exactement dire la même chose que j'ai dit mais moi je serais toi je m'arrêterais sur ça ouais. C'est plutôt pareil. Allez, il est 51, on a 4 minutes. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait parler de quelque chose dont on n'a pas parlé dans cet après-match de Bordeaux-Bastia? Si, moi j'ai quand même quelque chose à dire. C'est passé un petit coup de cœur quand même sur le match. Et quasiment 26 000 personnes au stade. Ah, l'ambiance, ouais, tout à fait, je voulais en parler. Mais tu peux remercier le club d'avoir fait un pack de matchs. On s'en fiche, les gens auraient pu acheter Bastia et ne pas venir. S'il faut les menacer avec un flingue, ils viendront. Ils auraient peut-être pu acheter le pack Bordeaux-Bastia-Marseille et ne venir qu'à Marseille. Aussi. Là, les gens sont venus, ils sont 26 000 personnes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une influence comme ça pour un match, on va dire, de moyenne affiche. Moi ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé que le virage sud avait quand même une belle T'as vu ce nouveau chant un peu mon gars? Putain, ah, c'est la post-café. Ça c'est rétro. Ah ouais. Moi de suite j'ai vu. Tu te rappelles la pub avec la cuillère, avec le gars qui joue devant un bus là, avec la cuillère qui tourne dans la tasse. Bref, on va pas citer de marque. Tu peux en citer 3 sinon. Ouais. Non. Mais j'en connais qu'une donc Ah bon non, aussi il y a quoi? Il y a grand-mère, bon c'était l'espresso et Nescafé. Il y a grand-mère et l'or de Maison du Café. Oh, ça c'était génial. Oui. La prochaine chanson c'est sur Oncle Ben. Parce que c'est toujours un succès. Allez, donc Oncle Ben, Toro et les Illustre Cru. C'est très intelligent de la part du club. C'est... D'avoir repris Nescafé. Non, d'avoir fait ce pack. Ah oui, je croyais que tu parlais de. C'est moins intelligent de pas m'avoir pris en stage, mais c'est plus intelligent. Non, de... mais par contre, c'est. Voilà. Oh alors, parce que tu t'attendais à être pris. Ils m'ont taclé par derrière. En gros, ils ont vu Adrien Girondin Analyse sur le CV, ils ont fait OK, next. Non, j'ai pas mis. Oui, bah... Et là, il s'est pas vanté qu'il était là. Le CSA like. Ça, le CSA ça, nous dit like, Sip. Bah écoute, oui, Sip, si on cite à chaque fois 3 trucs, on peut te faire la deuxième heure que sur ça. Si le patron du CSA veut nous appeler. Surtout qu'on est hyper fort en marque. Ayant. Donc moi et Cyril, on a grandi, on est d'une génération où la pub, mon gars, on en a bouffé. Moi, je faisais tourner pas mal de trucs en reprenant les spots publicitaires. Et on repart, c'était... Et ouais, voilà, parce que Cyronimo, c'est rigolo, mon gars. Ouais, t'en veux d'autres ? Ça existe encore. On ne résiste pas à l'appel du banga aussi. Il le pose, il le pose. C'est une pose, un Kit Kat. Allez, Perrier, c'est fou. Bon, alors Perrier, au gazeuse, au badois, enfin tout ce que vous voulez. D'Assoto. C'est fils de pub, nous dit Emmerich, tout à fait. Voilà. Le CSA va faire un AVC à prendre. Allez, voilà. Et oui, mais mine de rien, vous voyez, ces deux petites minutes là, et ça a permis de meubler. C'est 2 minutes de bonheur. 2 minutes de bonheur en plus. Juste avant la pause, meubles. Tu peux dire Conforama, Ikea et. Et la paire. Et la paire. Ah, la paire, c'est les fenêtres. Alors dans ce cas, il faut dire. Parce que la paire, il y a. Dans ce cas, il faut dire la paire, Triba et ce qui fait les fenêtres. C'est pas Triba qui veut. C'est pas Triba qui veut. Et cas par cas. Allez, qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la pause. Avant la pause, il y a alors pas de réaction, Alexis. Juste, on donne l'information non, vas-y. Et on voilà. Tu réagis pas en couple. Il y a des supporters, je ne sais pas qui. C'est non mais tu sors. Toi, tu fais la pause avant tout le monde. C'est ce que tu vas dire. Donc mais c'est pas juste. Je donne l'information. Les gens qui veulent y aller, ils y vont. Ceux qui veulent pas y aller, ils y vont pas. C'est tout. On n'a pas à réagir. On s'en fout. Donc demain, vendredi. Il y a des supporters qui ont organisé un espèce de rassemblement pour... Alors, bon, c'est genre la guerre c'est pas bien et puis il faut non, pas tuer les gens. Ils ont le droit de pour le faire. Soutenir Cédric Carasso pour pas qu'il s'en aille. Les enfants, c'est gentil. On va vous le dire gentiment, c'est très bien. Franchement, ça a peu prouve de marcher. Votre attachement à ce joueur, mais ça n'a aucune chance de marcher. Non, mais c'est sûr. Enfin, bon, par contre, si vous y allez avec 1 million d'euros. Alors, Sip nous dit, c'est pas. Ouais, par contre, si vous y allez avec de la thune, il y a peut-être moyen de moyenner. Sip nous dit, c'est pas confirmé. Sip, attention, oui, effectivement, Sip, tu as raison, c'est pas confirmé. Mais honnêtement. Je dis, ce n'est. On peut que louer. C'est très bien. Non, mais voilà, l'expression très bien, qui reste ou qui reste pas. De toute façon, j'ai pas envie de dire que les supporters ça joue que dalle, parce que l'attachement des supporters sur Carasso, le club, ils en ont déjà conscience. Voilà, ils le savent. C'est juste qu'à un moment donné, c'est peut-être un choix aussi tactique du club, soit de le conserver, soit de. Mais quoi qu'il arrive, je pense que l'affect avec le nouveau président, ça sera secondaire. Et, voilà, et ça ne sert à rien de siffler c'est ou de critiquer. C'est exactement les points positifs qu'on disait, qu'on reprochait à Trio de dire Trio, il est trop dans l'affect, il est trop dans le machin, il est trop dans le truc. Ce mec-là. Abdou Traoré ne sera pas prolongé. Abdou Traoré, c'est pas grave. Abdou Traoré, il partira. Enfin voilà, donc tous ceux qui veulent y aller, c'est vendredi au Hayan. Vendredi au Hayan, vous y allez et puis. Puis tout est permis. Je sais pas après comment ça va se dérouler, je sais pas du tout. Alors je précise, c'est pas les ultras qui organisent ça, donc je sais même pas s'il y a une page, j'en sais rien. Mais c'est bien. Bref, allez voyons vendredi. Je pense si que on va créer la page. Je pense que ça sera relayé par. De toute façon. Ça sera relayé par les sites, voire même par nous. C'est vendredi. Toute initiative est bonne. C'est vendredi. Allez. Non, mais c'est très bien. Méfiez-vous qu'il n'y ait pas huis clos. Et n'oubliez. Ah oui, veille de match. Ah non. Ça... Ah oui. Ah oui. Alors oui, ceux qui veulent y aller vendredi. Mais de toute façon, les huis clos, au pire, t'assistes pas. Et puis juste après, vous pourrez aller manger. Et donc l'objectif, c'est de mettre plein de cœur à la pizzeria, puisque le vendredi, c'est ravioli. Voilà. Allez, sur ce jeu de mots tout flingué, plein de cœur. On fait la pause. Allez, la pause tout de suite dans GA. Je vous l'ai dit, on fait pas de politique, mais allez, ça m'a titillé un petit peu quand même. Donc j'ai mis 2 morceaux. Il y a certains couplets, certains refrains. Écoutez bien, ça vous fera peut-être réfléchir sur ce qui se passe en ce moment dans notre beau pays. Allez, on se retrouve dans quelques instants dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. A tout de suite.